descend de la console. On the rocks et... If you're looking for trouble, you came to the right place. She looked for Carmen last night. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. She said, yeah. Vous, c'était bien, ça c'est... Comme si, comme ça. Yeah. C'est, gnignignign. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Yeah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque, et oui, un jour férié, incroyable, c'est l'effet Rivka, je ne fais des émissions que quand il y a Rivka dans les studios. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis bonsoir. Pas tout seul ce soir, car c'est Quij, et donc il y aura une émission avec quatre albums à chroniquer ce soir, et je vais de ma gauche à ma droite, il y a David Boss. Bonsoir monsieur David Boss. Tu t'es embêté avec ton micro. Non, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bien. Le grand Manitou du site Sunburns Out. Oui, enfin, je manie pas grand-chose, mais... si, un petit peu quand même. Rivka, donc, ici même. Bonsoir, bonsoir Rivka, qui est en train d'essayer de réparer le micro de David, qui est en train de visser. Comment ouais. Ça va, Rivka? Ben, ça va bien. Bon, on ne te présente plus. Enfin, si, on te présente quand même, chanteuse, artiste, mais enfin, tellement diffusée dans cette émission que tu as ton rond de serviette. C'est vrai. Voilà, tu nous parleras, vous nous parlerez tous de vos projets à venir et sur le feu. Et puis, j'ai Amos qui commence à être un habitué, lui aussi. Tout à fait. Bonsoir, Amos. Bonsoir. Membre de Celtic Vagabond, t'as vu ça un peu? Ouais, bien joué. Je progresse à vue d'œil. Donc ce soir, quatre albums à chroniquer que vous avez écoutés entre deux œufs de Pâques. Et je vais voir si vous avez l'air saignant ou bienveillant. En tout cas, on va commencer l'émission comme d'habitude avec un petit coup de cœur. C'est une exclusivité mondiale, mais que David a déjà dû entendre. C'est le prochain single qui n'est pas encore sorti de Mathieu Malon. De son prochain album. Voilà, qu'il l'a, oui, déjà, ce morceau. David, oui, bon, j'imagine. Rivka, non. Pas encore. Pas encore. Amos, non plus. Du tout. Bon, ben, on va commencer par ça. Et puis, puisqu'on on est dans l'exclusivité et le local, eh bien, on aura également, juste derrière, un extrait de l'album d'Olivier Triboulois qui sort, lui, au mois de juin, je crois. Ça s'appellera On se retrouve. Donc, on commence en français, on commence en local et on commence en bonne compagnie. Voici donc le dernier. Mathieu Malon, tiré d'un album à venir avec plein de gens sur cet album. David Fecknam, comme d'habitude. Enfin, plein de gens. Des petits bouts de griffes aussi. Le morceau s'appelle La Rivière et je vous laisse savourer ceci. We'll be right back. Yeah. Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle On se retrouve, et vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur un album qui sortira le 15 mai sur Bandcamp en streaming. Le label, c'est Cœur sur toi Records. C'est Olivier Triboulois, donc tiré de son prochain album. Et puis juste avant, c'était Mathieu Ballon avec La Rivière. Le morceau sort en juin, si je dis pas de bêtises. Je regarde David pour voir si je dis une bêtise. Et l'album sort le 18 septembre. 5 juin, ouais, c'est ça. J'ai tout bon? 5 juin pour ouais, le single, et 18 bon. Septembre. J'ai tout bon. J'ai eu chaud. Il est pas mal, ce titre dont les arrangements font grave penser à Midlake quand même. Oui, mais bien. Ouais, mais avec bien, la flûte de Tori qui arrive là. Exactement. Flûte traversière. J'aime beaucoup comment il chante Mathieu sur cette chanson. Ouais. Bon, bah, validé. Mais là, ouais. On n'est pas là pour chroniquer Mathieu. Vous êtes non. Au courant, hein, mais, parce que c'est une règle d'or. On chronique pas les copains. Mais en tout cas, oui, c'est très très prometteur cet album. Et puis effectivement, c'est Tori des Griffes qui fait la flûte. Vous pouvez retrouver l'interview des Griffes d'ailleurs sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Il y a une bien belle interview, et je vous conseille vraiment d'aller écouter, si vous ne l'avez pas fait, l'interview d'Élie Zoé, qui figure dans l'onglet émission spéciale aussi. Très très grand moment, très grand artiste, et très très belle interview d'Élie Zoé après un très très bon concert. Donc ça, c'était une bonne soirée. Mais ce soir, on est là pour décortiquer avec David Bost, avec Rivka, avec Amos. On est là pour décortiquer 4 albums que je leur ai mis dans les oreilles. C'est le principe de Quij. Ils ont fait leur devoir, ils ont écouté, ont-ils aimé, on ne sait pas. En tout cas, on va commencer avec l'album de Swad Bassi, qui s'appelle Zagat, ce qui veut dire ça se gâte, pour cette chanteuse que j'avais diffusée il y a bien longtemps dans On The Rocks, et dont on ne parle pas assez à mon goût. Chanteuse algérienne née à Bab El Oued, mais en France depuis les sombres heures de l'Algérie. Elle est arrivée en 1999. C'est son 9e album. C'est un projet très personnel, très politique, où elle ressort un peu les guitares électriques comme au tout début de sa carrière musicale. Voilà, c'est un album en réaction à dit-elle, une société qui dérive, une société où on ne se regarde plus. Il est produit par Justin Adams, anglais. On retrouve des invités sur cet album, un peu moins que sur celui de Gorillaz, mais quand même un peu. Youssoupha, Gaël Faye. On va se diffuser d'ailleurs le morceau avec Gaël Faye. J'ai beaucoup hésité entre plein de morceaux, mais ça va être celui-là qui s'appelle D'ici de là-bas. Juste avant de commencer, comme de coutume, je vais vous demander non pas de dire ce que vous avez pensé de cet album, mais est-ce que vous connaissiez Swad Bassi et quel rapport musical aviez-vous avec elle, Rivka? Je connaissais un petit peu. J'avais pas écouté ses albums vraiment, mais je connaissais son nom. Je connaissais, je l'ai vu par-ci par-là en fait. Hein. Mais je m'étais jamais vraiment penchée sur un album complet. Mais bien sûr, je connaissais son nom et sa voix. Et... Voilà, donc ça a été un album découverte pour toi dans l'intégralité. Ouais. Amos ? Tout pareil, du coup. Moi, je connaissais de nom, mais j'avais jamais écouté ce qu'elle faisait. Et je vais réserver la primeur de ce que tu... Voilà. Et David ? Ben moi je la connaissais de nom. Pour moi, Swad Bassi, c'est le duo avec Marc Lavoine sur la chanson Paris. Ah oui, il y a eu un duo avec Marc Lavoine, il y a même un duo avec Florent Pagny, je crois. Je crois que c'était juste un duo sur scène, parce que cette chanson, il l'interprète pas avec elle normalement sur le disque. Et je me souviens de ce duo-là. Alors, artiste à la base plutôt folk, voilà, avec une langue douce. On va se passer donc un extrait de cet album Zagat qui est sorti, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé, juste derrière. C'est parti, si je lance, c'est mieux. C'est parti. سقسوني على لون عيني منين أصلي منين ما شافوا واش غرست يديا والشمس تحرق فيا ورات فيا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضك نوز ردة فين يقدر شنو اللي حر Enfant des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais j'atterrai l'ancre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Décider le large, les couleurs baillent à la soif d'Asiatiba. Le cœur qui bat, qui part et qui s'éveille. Au goût du sel de mer et du soleil. Dans mon sang, le mien, rouge pareil. Sont le mien, oui, sont rouges pareil. Je suis ce que tu me donnes. L'ignorance ou un morceau de pain. Aimez-moi mémoire secrète en nous dorme et résonne. Nos ancêtres se tiennent par la main. D'être libre. Je suis d'ici, de là-bas, mon destin emporté par les vents. Donne-moi un printemps et je t'offrirai des fleurs. C'était donc le premier album que nous allons chroniquer ce soir dans The Rocks, dans cette spéciale Quij. Je crois que c'est la 14e émission de Quij. C'était Swan Massy tiré de son album. L'album s'appelle Zagat. C'était en duo avec Gaël Faye. Eh bien, qu'avez-vous pensé de cet album de Swan Massy? Qui commence? Je sens Amos dans les starting blocks. Ouais, Amos. Carrément, ouais. Je suis presque un peu déçu qu'on parle de celui-là en premier parce que j'aurais bien aimé monter crescendo, mais c'est pas grave. C'est mon gros coup de cœur des quatre albums. Vraiment, j'ai accroché très très vite. Dès le premier morceau, j'étais dedans. Il y a que justement celui qu'on vient d'écouter qui, sur une première écoute, j'ai moins accroché, et en fait, en le réécoutant plusieurs fois, j'ai adoré. J'ai vachement aimé aussi le featuring avec Youssoupha, qui est juste magnifique. Le fait d'avoir mélangé comme ça des guitares rhythm and blues bien rock avec de la musique traditionnelle, que ça soit donc congolaise dans Congo Connection avec Youssoupha ou même du Maghreb avec pour le reste de l'album, c'est vraiment un mélange qui fonctionne hyper bien et que j'adore. Ça m'a redonné envie d'écouter plein de musique du Maghreb, d'Égypte, etc., que j'avais pas écouté depuis longtemps en fait. Ouais, donc chouette. gros coup de cœur. Ouais. Ouais. Ouais, et la voix. Et la voix, magnifique. Bien sûr, magnifique. Ouais. Ouais. Bon, validé. Par Amos. Ah, complètement. Rivka. Ben, j'ai adoré vraiment ce disque. Moi, j'aime beaucoup ce côté rockeuse qui se mélange. Ouais. Ça, moi, c'est vraiment. Et alors, moi, un gros coup de cœur pour Jasser Haj Youssef, hein, le violoniste. Là, c'est pas... Alors, lui. Merci, quoi. Je suis partie en transe. Hein. Et en fait, je suis pas particulièrement fan de Gaël Faye et Youssoupha à la base, mais je vois, ça va bien, là. En fait, ça va bien. C'est pas, voilà, c'est pas des choses. Justement, comme tu dis, Amos, cette chanson-là, je trouverais que l'orchestration était déjà très belle. Et puis, à force de l'écouter, oui, ça va bien, en fait. Donc ça, c'est, ouais, puis bon, les textes, je suis allée voir les traductions, c'est vrai que c'est très mélancolique, très, ça parle vraiment, tout, comme tu disais, hein, de tout ça, de tout ce qui est... Ouais, c'est sombre. Mais il y a cette espèce de... Moi, je peux pas, je peux pas ne pas apprécier ça quand on parle de ses deuils et de sa famille et de, enfin, elle parle aussi de ça, du lien, en fait, et du fait, justement, cette chanson avec Gaël Faye, de, on a tous le même sang, quoi. Et ça, c'est très très beau. Voilà. Ouais. Bon. David, vas-tu être le rabat-joie de l'équipe ou vas-tu... Non, le rabat-joie. Il y a des chansons que j'aime beaucoup sur le disque. Après, quand la guitare est un peu trop fuzz, comme sur le titre éponyme, ça m'embarque moins. La chanson avec Youssoupha, elle est très jolie. Je trouve le texte un peu trop... c'est important ce qu'il dit, mais je trouve le texte un petit peu trop, juste un peu trop mièvre, sais pas. Alors là, le texte, c'est le sien. Youssoupha, c'est son texte, hein, effectivement. Voilà, c'est pas soi de Massy, là. Mais ça fonctionne quand même. Après, il y a des titres que moi je trouve super beaux, comme Thierry ou Anaïssan. Ouais. J'essaie de lire sur mon téléphone. Mais oui. Que je trouve vraiment très, très, très, très beau. Et puis, alors, c'est bizarre. l'entame du morceau qui s'appelle 6 heures m'a fait le dernier morceau de l'album. Ouais, m'a fait penser à Jean-Jacques Goldman, ne me demande pas pourquoi. Pourquoi c'est bizarre, je sais pas, mais j'ai entendu Goldman sur l'entame. Et je me suis dit, tiens, c'est un titre qui irait très très bien à Griff, si le duo pouvait le reprendre. Okay. J'ai pensé à elle aussi. Elles ont repris du Björk d'ailleurs, hein. On en parlera juste après de Björk. Mais voilà, c'est un disque. J'adore entendre chanter dans cette langue-là. Là, c'est bien. Donc oui, régulièrement, il y a des albums. Tu nous emmènes comme ça. Au Liban, tout cher. Ça. Et donc, je trouve que c'est important d'entendre des disques avec cette langue-là, surtout dans notre époque. Donc voilà. Bon, Swad Massi, je l'aime moins quand elle est vraiment rockeuse. Je sais pas. La préfères comme plus dans les mélopées que dans les guitares électriques. Ouais, ouais. Ok. Bon, c'est quand même très positif ce Zaga de Swad Massi. Moi, c'est un album que je trouve magnifique. C'est une artiste que j'aimais déjà beaucoup et je le trouve casse-gueule cet album parce qu'effectivement, ça pourrait être de brick et de broc avec un peu de rock, un peu de mélopée. Et je trouve que ça tient debout. J'ai une toute petite réserve justement sur le dernier morceau 6 heures du matin que je trouve un peu là pour le coup un peu décalé et je trouve que terminer par ce morceau là c'est un peu étrange, on dirait un peu un bonus mis au dernier moment, mais sur tout le reste sa voix est totalement magnifique, bouleversante même je trouve, et je trouve que tout fonctionne en fait, c'est-à-dire que c'est surprenant tout le temps, ça prend le contre-pied du morceau précédent, ça tombe jamais dans les bons sentiments, même quand c'est même assez, l'équation c'est quand même assez fort, minimaliste mais assez fort ce qu'elle raconte dans l'équation, et je trouve qu'elle a une voix bouleversante, vraiment une voix qui en plus gagne avec sa maturité, gagne encore plus, et voilà, c'est une grande artiste à mon avis, et pour moi c'est un de ses meilleurs albums quoi. Vraiment très très beau cet album, je trouve. Voilà. Donc on est tous un petit peu d'accord là sur celui-là. C'était Swad Massi, l'album s'appelle Zagat. Il y reste 3 albums à décortiquer dans The Rocks, mais chacun des invités ce soir est venu avec un petit morceau dans sa musette. Et Rivka, une grosse musette, puisque c'est un gros morceau, elle a pris un gros sac à dos. Et donc, tu vas nous présenter ton morceau, mais avant, quand même, Rivka, quels sont des actualités, projets? Alors j'ai cru comprendre que tu bosses à mort sur le prochain album. J'ai presque fini, ouais. Ah. C'est mon album symphonique. C'est-à-dire que j'ai découvert l'année dernière par le plus grand des hasards que la BBC nous offrait les sons de l'orchestre de la BBC. Ah oui? Gratuitement. Ah et oui? Des sons même très, à moi. Très beaux. Même à moi, ah, je peux avoir magnifique, c'est magnifique. N'importe qui, ouais. Et en fait, c'est génial parce que t'as le dessin de l'orchestre, donc tu sais à quel endroit sont les instruments. Et tu pioches? Et carrément, j'ai fait un album symphonique, donc j'ai incroyable. Toutes les chansons sont arrangées avec l'orchestre. La seule chose qui n'est pas de l'orchestre, c'est ma voix et le piano que j'ai été enregistré au conservatoire de Montargis parce que j'ai une copine qui travaille à l'administratif du conservatoire. Okay. Donc j'ai fait des pianos avec mes micros de voix au conservatoire. J'ai pris la BBC Orchestra et j'ai quand même ajouté une contrebasse de Logic Pro. Tenue par Paul McCartney. J'aurais bien voulu, mais en fait, j'avais pas les moyens donc, de payer personne. Donc en fait, à part une contrebasse et le piano enregistré à Montargis, il y a vraiment que les instruments de l'orchestre. Ça, c'est classe. Et c'était, comme je disais à David, c'est mon rêve d'enfant. J'ai toujours tous les instruments dans la tête, en fait. Mais n'étant pas instrumentiste, il a fallu que j'arrive en 2026 avec Logic Pro et la BBC Orchestra pour pouvoir vraiment mettre tout ce que j'ai dans la tête dans un album. Et donc, comme d'habitude, je suis toujours obsédée par un autre groupe et que je fais toujours une reprise et que je viens à la quiche avec soit un truc que j'ai fait, soit un truc... Bon, bref. Là, j'avais pas d'obsession du moment à part mes propres chansons. Ouais, c'est une belle obsession. Donc, j'en suis arrivée à Björk en me disant... tiens, c'est quand même à cause d'elle que plein de choses. C'est quand même ma religion. Hein. Je suis polythéiste et donc elle fait partie des dieux qui font partie. Yes. Voilà. Et donc en fait voilà. Comme je suis toujours collée de la drum and bass quelque part. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais c'est vraiment un truc qui me met en transe aussi quoi. Ouais. Donc là j'ai fait de la drum and bass à la voix avec les percussions de l'orchestre et tout ça. Génial. Et c'est un peu Björk qui m'a fait découvrir entre autres la drum and bass. Elle m'a fait aussi découvrir Einstürzende de Neubauten par exemple. Donc j'ai voulu qu'on l'écoute et qu'on écoute donc ce morceau qui est magnifique de son deuxième album, mais remixé par Philippe Zark qui était Motor Bass Studio Motor Bass qui était vraiment un des très très grands single remixés qu'elle a fait à l'époque Et c'est un disque que j'ai acheté en vinyle qui a été tiré à très très peu d'exemplaires en fait. Ouais. Maintenant, grâce au numérique, on peut l'entendre un peu partout, mais c'était vraiment une pièce de collection. C'est une pièce de collection que je suis très fière d'avoir à la maison, quoi. Voilà. D'art disparu trop jeune à 50 ans. Et trop bêtement. Trop bêtement. Mais donc, c'est super frustrant ce que tu nous racontes là, parce que du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir entendre. Écoute, je voulais sortir Rivka Symphonique. Je voulais la sortir en mai sur Bandcamp. Peut-être ce sera en mai. Et puis après, je vais peut-être faire un petit pressage CD quand même, mais ça sera peut-être plus pour septembre. Mais bon, j'avais prévu de le sortir en mai, pile pour les 20 ans de. Pour mes 20 ans de musicienne, quoi. Je sais pas si je serais prête à le sortir vraiment en mai, mais voilà. Ça va être dans très peu de temps. Je te propose de nous faire signe. Ah ben bah tout à voilà. fait. Quand ça sort. Tout à fait. Donc c'est parti, c'est Björk avec Isobel. Alors 8 minutes, hein. Oui. Donc tu me feras coucou. Je vais pas oser charter moi parce que c'est difficile. À un moment faut fader parce voilà, que tu me feras comme ça, tu me feras comme 8 ça. 8 minutes, ouais, à un moment donné. Tu me feras des petits gestes. Et le sample au début c'est les Supremes. Ah. Ils ont samplé les Supremes. Ok, c'est super. Très beau. Eh ben c'est parti, c'est le choix de Rivka, ça s'appelle Björk Isobel, c'est le Transfunk Mix. I'm propose qu'on laisse en arrière-fond, hein. Merci, merci, c'est bon, c'est bien ça. Je connaissais pas ce remix. Super, super, super, super. Tu la suis sur tous les océans, Björk? Elle te largue des fois je ou... beaucoup. Ah non, mais je l'adore toujours, mais c'est beaucoup moins collectionnable. Avant, à l'époque, dans les années 90-2000, elle sortait des singles tout le temps, tout le temps. Et j'avais un disquaire incroyable à Paris qui n'existe plus. Rue Quincampoix, qui me réservait les ouais. pièces un peu, qui me les laissait avec ma petite pastille comme dans les expos, et je pouvais le payer en 8 mois, 10 mois, et bien, j'avais ma pièce rare. Et il avait que des trucs improbables. Maintenant, elle fait plus ça, hein. Les CD singles. Tant mieux parce que j'ai plus du tout les moyens. De toute façon. Je crois qu'elle a arrêté pour ça. Elle s'est dit, Rivka pourra plus. Voilà, ouais. Pensez à moi très fort. Elle a été sympa. Bon, alors on a hâte d'avoir l'album symphonique de Rivka, mais pour l'instant, nous allons chroniquer le deuxième album. C'est l'album de Gorillaz qui s'appelle The Mountain, avec toujours un peu la même tribu. Jamie Hewlett au dessin, Damon Albarn évidemment aux compositions. Mais alors des invités, je vous en dis quelques-uns. Denis, alors certains même sont invités en étant décédés. Denis Hopper, Anushka Shankar de la famille Shankar, Bobby Womack, les Sparks, Tony Allen... Bizarrap, Idols, Johnny Marr, Marky Smith, Omar Suleiman, Paul Simonon, des Clash, enfin bon, du monde et plein de monde. Un album marqué par la mort, le deuil et l'Inde. Voilà, pour ce groupe qui était au départ un side project, un peu d'amusement, qui a pris peut-être le dessus sur Blur, en tout cas dans les écoutes et dans les ventes. Quel rapport avez-vous avec Gorillaz en particulier, Damon Albarn en général, messieurs, dames, David? Alors j'ai avec Gorillaz pas le même rapport que j'ai avec Blur. Oui, tu es plus en rapport avec qui ? Je préfère Blur. Oui. Je me sens plus concerné par Blur. Les disques de Gorillaz, je trouve qu'il y a trop de monde, trop d'instruments, trop de trucs. Ça ne m'empêche pas de penser que Damon Albarn est un excellent musicien et qu'il est très bon dans ce registre-là. Mais j'ai toujours du mal à rester dans les disques de Gorillaz. Alors nous allons voir si ce disque-là t'a fait changer d'avis ou a creusé le même sillon mental. Amos, Étant donné que leur premier album est sorti l'année de ma naissance, j'ai été entouré des morceaux des Gorillaz très depuis tôt. Toujours, depuis la layette. Ouais, c'est ça. Et c'est mes parents écoutaient beaucoup Blur aussi. Ils écoutaient beaucoup Blur aussi quand j'étais petit. Donc Damon Albarn, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup entendu. C'est un tonton. Ouais, voilà. Et même certains morceaux des premiers albums des Gorillaz sont parmi mes morceaux préférés. Donc j'ai un rapport assez proche, je pense, avec la musique des Gorillaz. Alors on va voir si tonton t'a séduit sur cet album. Rivka? Ah bah j'adore. Hein. Autant Blur que Gorillaz, en fait. D'accord. Non, Blur, c'est depuis... Voilà. Mais non, moi, Gorillaz, j'adore. Je les ai vus au Willow of Green il y a quelques années. C'était génial. Enfin, voilà, rien à dire, quoi. Bah alors, voilà, on va voir si ce dernier album vous a conquis ou pas. On va se passer je crois que c'est le single. Enfin, si c'est pas le single, ça serait une bonne idée. Orange County, avec Bizarrap, Kara Jackson, Anushka Shankar sur ce morceau. Et c'est parti. Si vous avez envie de siffloter avec nous, c'est maintenant. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Get up. Ça sifflote sur le dernier album de Gorillaz. C'était le titre Orange County. L'album s'appelle The Mountain. Et ce soir, dans Quij, en compagnie de David, de Amos et de Rivka, nous allons décortiquer cet album. Alors, qu'en avez-vous pensé? Qui démarre? David? Je veux bien démarrer. Démarre, David. Non, mais ce morceau-là est très, très sympathique. Idéal au lever. Après, moi, je trouve que c'est un album too much, trop d'invités, des vivants, des morts, c'est vrai. Il y a Johnny Marr sur le disque, mais on se dit, il est où? Oui. Parce qu'il est crédité plusieurs fois, mais où est-il? Je le trouve pas. On va rappeler qui est Johnny Marr quand même pour nos auditeurs. L'ancien guitariste des Smiths. Des Smiths. Donc, voilà. J'avais juste, parce qu'on a chroniqué le disque sur le Webzine et Benjamin avait une petite phrase où il disait, non, il y a un rappeur argentin qui est là. Donc c'est là qu'on se dit que Gorillaz, qui n'a pas besoin d'aller chercher des gens de tous les pays pour être populaire dans le monde entier, mais quand même, on se dit qu'il veut aller, je sais pas trop quel est le but, si ce n'est que là, on a un disque c'est un disque hippie, quoi, faut bien se le dire. Et Benjamin avait écrit ça et je trouvais que c'était un peu rude, mais vraiment pas mal. On n'a toujours pas compris ce que venait foutre ici Trueno, le rappeur argentin et son pote de Détroit Proof. C'est comme servir une pièce de bœuf dans un resto indien. On n'est pas assez expert en musique indienne pour ne pas faire erreur, mais il se pourrait bien que cet attirail couleur locale soit un foutu leurre qui ne tienne pas la route à l'examen. Comme si une bande de touristes allait se farcir un trip post-hippie 50 ans après tout le monde. Je trouvais que c'est bien résumé. C'est un album trop hétérogène, je trouve, pour moi. C'est vrai qu'il y a du monde. On se demande pourquoi il y a des acteurs qui ne sont plus là, dont la voix a été saisie. Je n'arrive pas à appréhender ce projet, ce disque-là. Par contre, si vous aimez Blur, il y a un documentaire absolument fantastique qui s'appelle To the End, qui est où on voit le groupe se retrouver pour travailler. Et c'est des mecs qui ont notre âge, qui sont un peu fatigués. 19 ans? De quoi? comment ça de quoi? Comment ça et, de quoi? Et franchement, c'est vraiment un très très bon, un très très beau documentaire. Il faut voir ces quatre garçons là un peu. Qu'on peut voir ça où? Enfin, je sais pas, peut-être sur Canal. Okay. On doit pouvoir le voir sur Canal. Ok, ça marche. Bon, David. Vivement le prochain. De Sunburst. Ouais, voilà, Sunburst. Oui, un peu resté extérieur. Un peu. Amos? Moi je vais commencer par le positif et finir par une petite réserve. C'est un album que j'ai vraiment apprécié. Les sonorités indiennes sont quelque chose qui, ne serait-ce qu'à l'oreille, ça me plaît énormément. Je trouve qu'on reconnaît bien la patte Gorillaz quand même, malgré justement ce monde assez énorme. Et c'est là que j'en viens à mes petites critiques, en fait. C'est que j'ai trouvé que il est C'est difficile de différencier les morceaux les uns des autres, en fait. Après une première écoute, j'ai essayé de sortir des noms qui sont mes coups de cœur, mais en fait, j'y arrivais pas. Parce qu'il y a plein de petits bouts qui sont un peu étalés partout. Il y a plein de bonnes idées, mais les morceaux n'ont pas d'identité propre. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, et ça rejoint un petit peu la critique assez salée quand même, mais ça rejoint la critique un peu salée que tu viens de nous lire, c'est est-ce qu'en 2026, c'est encore juste de simplement de justifier l'utilisation de la musique indienne comme juste spirituel, c'est l'album spirituel, c'est l'album sur la mort, c'est l'album sur les dieux. Donc on ramène cette idée un peu new age, un peu hippie des années 60. Je trouve ça un peu réducteur. Ah, je crois que pour préciser, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont eu des pertes l'un et l'autre. Ils sont allés en Inde et ils ont vécu leur deuil là-bas. En fait, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'imagine que l'intention derrière est très sincère, mais de l'extérieur, en fait, ça paraît un peu cliché. Ça fait papier peint. Et ça fait, ouais, c'est ça, et ça fait vraiment cliché vu et revu de musique indienne, qui est très belle, mais qui est vachement plus profonde et plus riche que simplement quête spirituelle, donc musique indienne. Un peu clicheton, quoi. Ouais, un petit peu. Et ça, sans que ça me fasse pas aimer l'album, parce que j'ai vraiment bien aimé, je me disais, il faut que j'en parle, quoi, parce que là, il y a un truc qui me dérange un peu avec ça. Toute cette mise en forme n'enlève rien à la sincérité du projet, hein, mais. C'est ça, ouais. Mais je trouve que c'est parfois un peu artificiel. Alors, qu'en va dire Rivka? Alors moi j'avais envie de dire Anoushka Shankar m'a ravi, hein. Oui. Fallait la faire. Je pourrais faire une carrière de stand-up. Ça y est. C'est très bien. moi j'aime bien. Rivka bientôt sur Rire et Chansons. Voilà. Non mais moi j'aime bien ce côté hommage à George Harrison qui va chercher son père là-bas en Inde et qui revient avec la fille. Moi j'ai vachement aimé ça. Surtout si en plus ils ont vécu des deuils, je ne peux pas dire quoi que ce soit de négatif là-dessus, parce que mon album s'appelle Beauty and Grief, parce que j'ai traversé beaucoup de deuils ces dernières années et je comprends tellement ça, en fait. Et moi le cliché justement dont tu parles, je pense que c'est un peu la patte de Gorillaz, en fait. C'est un peu leur truc de faire de prendre des petits clichés, de les mettre là, un peu comme Jacques Demy faisait dans le cinéma. Donc moi ça m'a pas paru bizarre, en fait. Et moi j'ai vraiment bien aimé le disque, quoi. Enfin, c'était normal de l'écouter, en fait. Il y avait pas de tu m'avais pas attendu, d'ailleurs, je pense, pour l'écouter. Voilà, j'avais déjà écouté des autres trucs et puis bon, bah Damon Albarn, quoi. Que dire de plus? Et puis alors, soit dit en passant, To The End est une des chansons que je préfère de Blur. Et ils ont fait un duo avec Françoise Hardy à l'époque, qui est juste sublime. Exact. Et je m'en lasse pas, voilà. Eh ben, alors moi, je rejoins David, moi. Je suis dans la team David, c'est-à-dire que, alors, je suis plus Blur que Gorillaz au départ, mais il y a plein de choses que j'aime chez Gorillaz, avec mes certains morceaux que j'aime. Mais je trouve que les travers qui sont un peu les travers de Gorillaz, là, sont portés au centuple, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a plein d'idées, il y a plein d'invités, il y a un savoir-faire évident, mais alors j'ai trouvé d'un grand vide. C'est-à-dire une personnalité... alors, il y a des morceaux... celui qu'on a passé, je le trouve très sympa. Le morceau d'ouverture instrumental est très sympa. Il y a un autre morceau qui fait penser à Bowie un petit peu, qui est vraiment beau. Ouais. Et puis, il y a des morceaux vraiment pas terribles. Et surtout, ça manque de morceaux. C'est-à-dire que Damon Albarn était quand même, à l'époque de Blur, et surtout au début de Blur, un compositeur hors pair avec des morceaux imparables et magnifiques. Et je trouve que depuis un grand moment, quand même... Au début de Gorillaz, hein, je trouve. Au début de Gorillaz aussi. Il se perd un peu dans ses projets, The Good, The Bad and The Queen, j'ai pas le souvenir d'un morceau qui m'a fracassé. Je trouve qu'il est dans des projets comme ça, pharaoniques, avec plein d'invités. Et je vais le dire franchement, on s'emmerde. Alors là, moi, je me suis bien emmerdé, à part sur 2-3 morceaux que je me suis dit, ah, voilà, ça y est. Et puis hop, les Sparks arrivent et ça m'a gonflé. Enfin, effectivement, Johnny Marr, il est où? Je suis d'accord avec toi. Il aurait marqué, n'importe quel autre guitariste, Keith Richard ou guitariste de, enfin bref, il y a aucune personnalité. Yves Dutheil. Yves Dutheil, exactement, avec son picking. Et donc je trouve que c'est une très très très jolie coquille vide et qui tourne à un truc un peu marketing, c'est-à-dire que on attend les illustrations, à quelle tête ils vont avoir les dessins sur la pochette, c'est super, et je trouve que Damon Albarn se perd un peu, et j'aimerais qu'il se retrouve un petit peu, et qu'il ouvre moins la porte à plein de monde, qu'il ferme la porte, qu'il soit trois dans la pièce, et qu'il nous compose à nouveau des morceaux. Moi, pour moi, c'est l'album le plus faible des quatre que je vous propose ce soir, à mon avis, et je me suis un peu ennuyé, à vrai dire. Voilà, j'ai trouvé ça un peu vide. Je pense que il arrive pas vraiment à brider sa créativité, on va pas lui reprocher de sortir des disques, mais c'est vrai que là, mais ça fait quand même deux ou trois albums de Gorillaz que... C'est de la créativité de bidouillage et d'assemblage, mais pas de la créativité pure de morceaux et de... Ça fait un peu trop maximaliste, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, le trop, c'est beaucoup. Ça peut marcher, mais on parle tout le temps de Less is More. Less is More. Là, c'est pas effectivement, on n'y est pas. Ouais, on n'y est pas du tout. Alors, ceci dit, je pense qu'un des morceaux de l'été, ça va être celui qu'on s'est diffusé, qui met vraiment de bonne humeur et qui est très chouette, quoi. Mais bon, alors, je trouvais ça un petit peu creux, tout ça. C'était l'album de Gorillaz, un peu du 50-50 chez nous. Là, maintenant, ça va être le choix. J'accélère un peu parce qu'on est hyper labour. Ça va être le choix de qui? D'Amos. C'est toi, ça? Oui, c'est toi. Tout à fait. Alors déjà, Amos, les projets actuels. Les projets actuels. La dernière fois, je me souviens, tu nous avais raconté des petits projets croustillants. Je suis pas comme la dernière fois. Hein, toujours trois projets musicaux principaux, trois groupes. Donc Celtic Vagabond, évidemment, avec qui on est déjà venu sur l'émission plusieurs fois. Là, on a une micro tournée en Grande-Bretagne en mai, une micro tournée en juillet, une micro tournée en août. Et on a pas mal d'autres petits concerts qui se profilent. Là, pour l'instant, en France, notre prochain concert, ça va plutôt être en juin. Sinon j'ai deux autres groupes, donc Juicy, un groupe de rock alternatif un peu progressif aussi, très très visuel, très narratif. Là on a des dates qui se profilent plutôt à la rentrée. Okay. Et du son. On va essayer on prévoit d'enregistrer en juillet une live session et potentiellement le premier album. Okay. Mon troisième groupe, donc Frame 7, là c'est un groupe de reprise de musique de jeux vidéo et de films et de séries télé avec des amis de fac. Là on a un concert du coup fin mai à la fac de musicologie de Tours pour le festival Unisson organisé par les étudiants. Sinon, quatrième petit projet, et j'ai eu l'occasion de t'en parler tout à l'heure, mes parents ont une troupe de théâtre et ils sont en train de préparer une adaptation du conte de Noël de Charles Dickens, dont je vais faire la musique et jouer la musique en live quand on fera les performances trop bien. Aux alentours de décembre, du coup, puisque c'est un conte de Noël. Donc tu es un poil occupé. Un petit peu. Bon, mais tu vas quand même trouver le temps, et tu nous feras signe également, comme Rivka pour les morceaux. Ah bah bien sûr. De nous présenter ça que je ne connaissais pas du tout. Alors qu'est-ce donc ? Alors c'est un groupe de rock progressif symphonique italien des années 70 que j'ai découvert récemment parce que en fait un duo de hip-hop que j'aime beaucoup ont samplé ce morceau-là. En allant sur Who Sample, qui est une mine d'or de samples, de vieux samples, j'ai trouvé donc le morceau d'origine. J'ai écouté ce projet-là et j'ai trouvé ça juste incroyable. Le mélange rock blues avec des instruments classiques et de musique de chambre, je trouve ça vraiment trop trop cool. Mais voilà, je pense que ça parle de soi en fait. Donc ça s'appelle. Et ça s'appelle le groupe s'appelle Quella Vecchia Locanda. C'est donc cette vieille auberge. Et le morceau s'appelle Realtà. Bon, bah du coup, vous ne connaissez pas, messieurs dames. Moi, je ne connaissais pas non plus. C'est parti. respiro vedo luce, ombra ancora non so. Il buio sui miei occhi sceso ancora non è. Vita, lascia questo corpo che non ti appartiene più. Dolore, odio, amore, non ha senso ormai per me. Guarda il cielo. Vous êtes toujours dans The Rocks et c'est Quij ce soir avec David, Rivka et Amos. Et c'était un choix d'Amos, merci pour ça. Je connaissais pas du tout. Mon amour pour la flûte traversière dans le rock. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est très beau. Vous êtes toujours donc dans The Rocks et nous allons passer au troisième album que je vous ai demandé, mesdames, messieurs, madame, messieurs, de chroniquer pour ce soir. C'est le dernier album en date de The No Twist, groupe allemand qui est déjà passé par chez nous pour quelques concerts que je n'avais pas vus. Tu étais ? Qui était ? Moi, j'étais. C'était bien. Ouais, c'est un des plus grands groupes de scène au monde, je trouve. Et ben voilà, c'était super. Et ben tant pis pour moi. L'album s'appelle News from Planet Zombie et c'est un album un peu particulier pour The No Twist puisqu'ils l'ont enregistré en une semaine pile poil avec pas mal de morceaux créés sur place, enregistrés dans les conditions du live. Voilà, avec moins de computers et de bidouillage électronique que sur certains autres albums. Connaissiez-vous, donc David connaissait No Twist puisqu'il est The No Twist, et le connaissiez-vous, Rivka, ce groupe ? Ah oui, bien sûr. Bah, ils ont un peu traîné aux popines, d'ailleurs. Je veux pas faire de la pub pour les bistrots parisiens qui coûtent de la musique indé, mais on les a croisés quelques fois là-bas. Mais j'ai jamais été très interpellée par leur musique, même si je trouve ça très sympa. Je vais pas retenir, en fait. D'accord. Ça te marque pas. Voilà. On va voir si cet album t'a imprimé un peu plus que les autres. Amos. Pas du tout. Non, je connaissais pas du tout. Pas du tout. Non, rien. Alors, on va se passer c'est compliqué de choisir un morceau puisque les morceaux sont très différents les uns des autres avec des ambiances très différentes. J'ai choisi Silver Lines, mais ça aurait pu être un autre. On va se passer ça maintenant. Et puis, vous allez me dire ce que vous avez pensé de cet album singulier. Peut-être un des morceaux les plus rock'n'roll et les plus guitare du dernier album de The No Twist, mais il y a plein d'autres ambiances sur cet album. Il y a même des instruments acoustiques flûtés. Qu'en avez-vous pensé de cet album de The No Twist, groupe allemand, donc qui s'appelle News from Planet Zombie, qui démarre? Rivka, elle a fait comme ça avec ses sourcils, elle a fait comme ça. J'ai fait comme ça, pourquoi pas. Eh bien, écoute, j'aime bien, mais je savais pas si j'allais aller au bout du disque, parce que quand je l'écoutais dans ma cuisine, bon, j'écoute souvent quand je fais à manger, hein, et je me disais, oh, je sais pas si je vais l'écouter en entier, oh, j'aime pas trop sa voix, oh, quand même. Et puis je suis arrivée aux quatre derniers titres, là, il y en a un qui est, je sais plus le nom du titre, mais le 4 avant la fin. Oui. Et là, j'ai fait, oh, oh, quand même, c'est beau. Je l'ai mis dans ma playlist, puis après j'ai celui de derrière, oh bah c'est différent, oh bah c'est beau. Donc j'ai vraiment apprécié les derniers morceaux de l'album, mais après c'est très différent, chaque morceau est très différent aussi, donc voilà, mais enfin Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas marqué non plus. Ça voilà. T'a pas fait rater ta mayonnaise quand même. Non. Ça m'a pas mis en transe. Ça t'a pas mis en transe. Ok. David. Ah non, mais moi au contraire, c'est un groupe que j'aime énormément. Et pour moi, l'une des ce que j'aime beaucoup, c'est la voix du chanteur. Qu'on peut trouver un peu trop blanche, un peu trop. Mais moi, j'aime cette voix un peu mélancolique, même sur les morceaux rock. On, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui le traverse, ce garçon. Faut pas oublier. Alors, c'est vrai que là, on a écouté un morceau qui se termine de façon un peu rock. C'était quand même au tout début, les premiers albums. C'était un peu une sorte de. C'était un peu les Sonic Youth de oui. Bavière, quoi. Oui. Donc, j'ai l'image avec les culottes et les petites plumes. C'était un peu ça. Sors son bourre avec les culottes. Et je trouve que donc là c'est un album enregistré en 5 jours, donc on sent que c'est très très live et ça m'a permis moi de me reprojeter au concert de les revoir et je crois qu'ils changent d'instruments tous un peu, ils sont nombreux sur scène, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de choses. Multi-instrumentiste. Donc non, je trouve que c'est un très très bon disque. Enregistré très vite, mais avec pour le coup avec des chansons et avec l'émotion que moi j'attends quand j'écoute un disque. Voilà. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez nos Anglais dont on parlait de Gorillaz. Amos. Alors, bon, c'est ça part mal. Quand ça part comme ça, ça part très mal. des quatre albums, c'est celui qui m'a plus paru être une corvée de devoir le réécouter. C'est-à-dire que j'ai pas détesté, j'ai pas trouvé que c'était désagréable à écouter, mais juste j'avais aucun problème à écouter 5 fois par jour l'album de Swade Massie. Celui-là, je l'ai écouté une fois et j'avais pas envie de le réécouter. Là vraiment, t'allais faire tes devoirs, quoi. Tu t'es dit, Franchement. Il y a des idées intéressantes, mais il me marque pas du tout. J'ai été intrigué par les petits moments presque dignes de Philippe Glass. Oui. Côté très minimaliste. En plus avec l'instrumentation qui est donc marimba, clarinette basse et flûte. C'est assez intéressant pour un album qui est quand même enfin assez rock. Tu fais des études de musicologie, hein. C'est oui. Ça on est d'accord. C'était intéressant, mais c'est pas quelque chose que j'irais écouter et aucun morceau ne m'a particulièrement marqué, en fait. Ouais. Je suis très 50-50 dessus, voire même plutôt. C'est même du 30-70, là. Ouais, je dirais plutôt 30-70, en fait. C'est okay. Peut-être un groupe qui est bien en live, en fait, hein. Ça, c'est possible. Il y a des groupes qui sont super bien en live et qui. Ouais, je les ai vus deux fois, je crois, deux ou trois fois, et c'est toujours très très bien en live. Et à l'Astro, c'était vraiment fantastique. Alors, moi, sur cet album, ça m'a vraiment fait un effet de ces courses, vous voyez, d'athlée, où ça part derrière, et tu te dis, bon, il n'arrivera pas, il va pas remonter le truc, quoi. Et mes écoutes, ça a été ça. Première écoute, je me suis dit, un ou deux morceaux sympas, puis le reste m'a, un peu comme toi, Amos. Et puis à chaque écoute, ça m'a fasciné davantage et j'ai trouvé que c'était d'une inventivité et ça surprend à chaque morceau, ça prend le contre-pied du précédent, un peu comme Swade Massie, mais pas dans le même style. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche et au bout du compte, c'est un album que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et à chaque fois que je réécoute, je me dis ah oui non quand même c'est bien, ah c'est quand même c'est bien. Mais au départ, j'ai eu du mal à aller au bout de l'album, pareil, parce que c'est pas un album aimable directement. Ça sifflote pas comme sur le morceau de Gorillaz, quoi. Faut rentrer dedans un peu, faut y aller, quoi. Mais c'est un album qui, moi, du coup, je me suis surpris à l'écouter, le réécouter. Et c'est un album que je trouve vraiment d'une grande richesse. Et effectivement, la mélancolie, je suis d'accord avec toi, David. Justement, ce soir, je suis d'accord avec toi, David. C'est le fil rouge de cet album. C'est-à-dire que, quelles que soient les ambiances, on a cette espèce de regard dans le vague et du chanteur qui nous fait passer sa mélancolie. C'est la voix de Marcus Acher, sa voix elle est comme ça. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est pas un album plombant, c'est pas un album triste, c'est un album qui donne plutôt la pêche, je trouve. C'est un album printanier d'ailleurs. Ouais. Ouais, il est pas triste particulièrement. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est un très très bel album et j'avoue que The Note Wish, je connaissais de loin quelques morceaux comme ça, je suis jamais vraiment plongé dans la discographie et ça m'a donné envie d'aller écouter un peu ce qui se passait avant parce que celui-là m'intrigue énormément. Et quand enregistré en 5 jours, respect quoi, ça joue, je pense que ça joue pas mal quoi. Pas dû avoir beaucoup de pain sur les 5 jours. Donc voilà, c'était l'album de The No Twist, peut-être en concert bientôt par chez nous. C'est possible ça? Mathieu Dufaux, si Mathieu tu nous Dufaux. Entends. Est-ce que tu nous entends bien? Le morceau, c'était donc Silver Lines. Si vous avez bien compté sur vos trois doigts, il y a un invité ce soir qui n'a pas proposé son morceau qu'il a apporté dans sa musette. C'est toi, David. Et avant d'écouter ce morceau, quels sont les projets du site? Qu'est-ce qu'il y a de gros papiers à venir sur Sunburns Out? Ça va dépendre des rédacteurs. Ah oui, des sorties. On a quand même sorti le 1er avril une news sur The Cure qui était complètement bidon. Mais on l'a écrit avec tellement de sérieux que personne n'a vu que c'était bidon. Donc, on espère juste que Yves Bigot, qui avait déjà repris un de nos 1er avril sur le même groupe il y a quelques années, c'est vrai. Il avait repris, il l'avait cité. On s'est dit peut-être qu'il la reprendra. Donc là, bon, c'était plutôt plus fin que la mairie d'Orléans qui nous annonce la venue de Céline Dion. C'est vrai, il y a eu ça ? Oui, ils ont fait ça. C'était leur 1er avril. Ah bah, oh, qu'est-ce qu'ils deux jours après l'annonce des concerts à Paris, ils ont fait ça. Mais vous n'avez pas beaucoup d'idées, j'imagine. Donc non, je pense qu'on s'achemine vers une troisième édition du Festival Outsiders, hein, toujours à Paris. Ok. Voilà. Quelques noms ? Non. Pour l'instant, non, je ne peux rien révéler. C'est Benjamin qui fait la prog. D'accord. Ça sera, je crois, resserré sur deux soirs, puisque au Super Scenic Records, a priori, à partir d'une période de l'année, ils font plus de concerts en semaine. Enfin, je ne sais pas trop quel est le truc, mais on s'achemine vers la troisième édition du festival. Bon, bah, tu nous en causeras également. Au mois d'octobre. Ouais. Et donc, le morceau que tu nous as apporté, c'est celui-ci. Alors, j'ai beaucoup hésité ce coup-ci, parce que j'ai fait une fixette sur... I'm Not In Love de 10cc dernièrement, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai à un moment donné très bon morceau, moi aussi en ce moment. Mais comment ça se fait que vous êtes revenu à 10cc? Je sais pas, moi sans doute par nostalgie. Beck il a repris, non? C'est pas Beck qui a repris? Non, mais c'est moi par nostalgie, j'écoutais tous ces claviers, tous ces machins, je me suis dit, je vais passer ça. Très bon morceau, 10cc. J'ai failli venir avec Morrissey. C'est pas des claviers. J'ai failli venir. C'est pas des claviers, ça c'est dingue. C'est pas des claviers. J'ai appris ça, c'est pas des claviers en fait, c'est des voix samplées. Ah, oui, c'est que des samples de voix. Alors, en fait, dans I'm Not In Love, en tout cas, c'est pas les voix là, c'est pas des synthés. J'ai fait une fixette dessus, sans doute par nostalgie, mélancolie, je sais pas quoi. Et donc là, je suis tombé sur ce projet-là, My Precious Bunny. Une photo un peu bizarre, on a l'impression qu'elle s'est mis les nouilles sur la tête. C'est ça. Et qui est un projet donc de Lily Volter qui est la membre d'un duo qui s'appelle Penelope Eyes, un groupe de Brighton. Donc ça va sortir, je crois, au mois de mai sur Bella Union, le label des deux Cocteau Twins là. Okay. Et en fait, moi j'ai craqué. Je trouvais que les deux titres qui sont présentés dessus sont vraiment, j'ai trouvé excellent. Je me dis, si tout le disque est comme ça, il va être super. Donc elle se lance en solo, visiblement, cette jeune femme. Donc je connais pas beaucoup le travail, mais voilà, c'est un peu un coup de cœur. Cookie Cannibal. Impromptu. Le morceau s'appelle Cookie Cannibal. C'est moins facile pour danser le slow que sur Tennessee. C'est un morceau bref, donc ça va nous permettre de revenir rapidement. Très bien, nous revenons juste après ceci. We'll be right back. Le choix de David Bost ce soir, c'était My Precious Bunny, si vous aimez ce genre d'ambiance, et les pâtes un peu trop cuites. C'est de la dream pop, quoi. C'est de la dream pop. Merci pour cette découverte. On va voir l'album, ce que ça donne, mais c'est sympathique, ça. C'est frais pour l'été, c'est très ouais, bien. Ouais, c'est bien, ça serait bien au pop-up, ça. Bah oui. Mathieu Dufaux aussi, tu nous entends. Il nous reste un album à chroniquer ce soir dans cette quiz, dans cette édition de quiz numéro 14. C'est celui des Suisses de Black Sea Dahu, un groupe que vous connaissez bien si vous connaissez bien l'émission de The Rocks, puisque diffusé moult et moult fois dans l'émission, interviewé même, vous pouvez trouver l'interview dans l'onglet émission spéciale. Tu les interviewais en 2020 quand ils sont... Ah, pop, ouais. Ouais, c'est ça. Dans la petite fenêtre où les concerts avaient pu reprendre. Leur album, est sorti au mois de février, donc là on est un petit peu, c'est un petit peu lointain, mais pas si lointain que ça. L'album s'appelle Everything. On va se passer le morceau The Dragon. Alors c'est un collectif suisse avec emmené par une chanteuse Janine Catherine et sa sœur qui s'appelle Vera, je crois, si je dis pas de bêtises, qui joue de la basse, de la guitare. Et Frangin aussi, je crois. Oui, voilà, c'est un peu une grande famille. Et donc encore un album marqué du sceau de la perte, puisque de la perte des deux leaders, on va dire, des deux frangines. Leur père est parti et donc ça leur a inspiré cet album. Alors, on retrouve un peu ce qui fait la marque de Black Sea Dahu, c'est-à-dire de la folk, un peu d'indie rock, un peu de pop orchestral, tout ça mélangé avec une approche assez mystique, on va dire, sur cet album. Est-ce que vous connaissiez Black Sea Dahu? Est-ce que vous les avez déjà, oui, vu en concert ou quoi que ce soit, Amos? Alors, je connaissais pas, mais j'ai vu passer leur nom sur certaines de tes émissions sur ton site. Donc, je les connaissais de nom par là, quoi, mais autrement, pas du tout. Ok. Je connaissais un peu le nom, je connaissais un peu comme ça, vite fait, mais je connaissais pas vraiment. Ok, David. Je les connaissais parce qu'elles sont passées au pop-up et que je les ai manquées. Et d'ailleurs, en écoutant le disque là, je me dis que j'ai loupé. C'était très très bien. Que ça avait l'air très très bien. Oui. Alors, elle commence à faire des plus gros festivals, c'est un peu sold out partout. Je trouve que c'était bien en pop-up parce que c'était à l'Institut, si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment l'écran parfait, c'est-à-dire que des petites salles et voilà. Non, mais je les ai manqués, là. Je vois le nom du groupe passer régulièrement, mais je les ai découverts vraiment là, avec ce disque. Peut-être que vous les avez découverts sur des festivals l'année dernière. Ils ont joué au Bout du Monde, à Crozon, Festival du Bout du Monde. Enfin, voilà, et ils sont sur la route assez régulièrement. Voici le morceau The Dragon, tiré de cet album, et après, vous allez me dire ce que vous en pensez. From the breathing, I see the head of a lizard made of stone, and here I am, the wizard who gave it form. Now these green eyes of mine shine on it, sorted out, shaped by hands of time, wearing a crown of sharp twigs, moss and slumber. I let I'm Si derrière il y a encore une petite sucrerie, hop, voilà, un petit peu vintage. C'était donc Black Seed AU avec la voix de Janine, voix androgyne et envoûtante, ou je ne sais pas, peut-être que ça vous procure d'autres émotions, peut-être plus négatives. On va le savoir maintenant. Qui commence? Amos, j'ai cru voir que t'as fait comme ça, t'as failli tomber. Merci pour le choix du morceau, hein, parce que c'est mon préféré de tout l'album. C'est un album que j'ai vraiment apprécié. Évidemment, comme n'importe quel album, il y a quelques morceaux qui m'ont moins marqué. C'était le cas tout à l'heure avec Swad Massey aussi, bien sûr. Mais là, ça a été une super belle découverte pour moi. Ce morceau-là en particulier, mais plein d'autres. Leurs orchestrations sont super. C'est vraiment très très beau. Le premier morceau m'a fait peur parce que le premier morceau, tout de suite, je me suis dit oulala. C'est du Bob Dylan, quoi. C'est Knocking on Heaven's Door, mais bis. Un petit peu. Et en fait, en écoutant le reste du projet, j'ai été vraiment envoûté par tout. J'ai trouvé ça magnifique. Leurs paroles sont vraiment hyper poétiques et hyper. Elles sont dures. Elles sont vraiment dures par moments, surtout dans ce morceau-là, mais vraiment riche et très imagé, et moi tout de suite j'avais plein d'images dans la tête c'est vrai, gros coup de cœur. Validé, ouais. Alors Rivka? J'ai adoré, hein, franchement c'était bon, en plus c'est des Suisses, j'en ai dans mon sang, donc je représente. Voilà, et surtout cette région-là, en fait, j'ai vu tous les paysages de l'enfance de ma grand-mère, dès qu'elle parle des forêts, des sapins, je vois les montagnes de ma grand-mère, quoi. T'avais les images. Donc ça, j'adore cette voix d'alto qui évoque Anony, en fait, parce que dès qu'elle part dans les aigus, ouais. on pense à elle, quoi, et c'est vraiment... Moi, j'ai adoré. C'est de la belle folk, mais avec des instruments comme, je sais pas si c'est pas une scie musicale qu'on entend à un moment ou soit une scie musicale, soit un thérémine. Peut-être ouais. Plus une scie musicale, ouais, vu le style folk. J'ai l'impression que c'est une scie, mais voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très beau. Effectivement, là, c'est de la folk mélancolique, mais moi, j'adore ça. Bon, pour faire la cuisine, c'est bien aussi. Ah, ouais. La folk mélancolique. J'ai adoré. David. Cette chanson-là justifie à elle seule d'écouter le disque et d'acheter le disque. C'est très beau. C'est vrai qu'elle a une voix. Là, c'est un morceau très très arrangé, très orchestral. Mais ça, c'est vrai qu'elle fait de la folk. C'est un peu folk au début, c'est vrai effectivement, mais avec une voix un peu vraiment sol, je trouve un peu. Donc non, je trouve que ça. C'est pour ça que je regrette d'autant plus de ne pas les avoir vus en 2020. C'est vraiment bien sur scène. Je sais pas si c'était comme ça, si. C'est en vous t'en pareil. Mais effectivement, c'est un très beau disque. Ouais, on sent tout de suite que ça vient quand même. Les groupes belges, les groupes suisses qui chantent en anglais, on sent tout de suite qu'ils viennent pas de par là, je trouve, dans leur accent. Non, c'est vraiment très très beau. Et sa voix, effectivement, est un peu. Sa voix androgyne est un peu surprenante au début. Je savais pas que c'était une femme qui chantait. Je m'étais pas du tout renseigné. Ouais. Moi, j'étais pas sûr en fait. Et donc voilà. Non. C'est franchement un très beau disque. Bon bah moi c'est mon préféré des quatre. Hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. Voilà, ils m'en voûtent à chaque fois. Ceux-là, depuis Hop Hop Hop où je les avais découverts, ils m'avaient un peu terrassé. Alors il se trouve qu'ils sont extrêmement sympathiques par ailleurs en interview, ce qui ne gâche rien. Et je trouve que c'est assez fascinant. Déjà c'est un peu un album qui réconcilie avec notre monde. C'est-à-dire que c'est un album qui fait du bien. C'est un album qui ils sont toujours sympas. C'est ça. Non mais je veux dire, je sais pas si c'est parce qu'ils sont neutres, mais tu prends Peter Carnell, c'est à cause du chocolat. Tu prends Elise Way, tu prends sûrement. C'est des personnalités très accessibles. Et ça met une sorte de baume. Alors c'est pas du baume gnangnan et un peu cucu la praline. C'est vraiment c'est un peu sombre aussi. C'est pas si simple. C'est un peu le chemin inverse de The No Twist. C'est-à-dire The No Twist, on a l'impression que c'est complexe, que c'est bizarre. Et puis à chaque écoute, ça se simplifie. Et j'ai l'impression que Blacksidaeus, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est codifié, c'est de la folk, c'est tranquille, mais c'est super complexe, c'est super, c'est jamais simple. Ça va jamais vraiment où on pense que ça va aller. Et pour moi, c'est leur meilleur album. Déjà, j'aimais beaucoup les précédents, mais alors là, je trouve qu'ils arrivent à une sorte de plénitude dans la composition, dans les arrangements, dans la maîtrise de ce qu'ils font, mais une maîtrise qui est exactement l'inverse aussi de Gorillaz. C'est-à-dire que c'est pas des trucs, c'est pas des astuces, c'est pas des bidules, c'est vraiment, on sent l'âme de ce groupe. Et je trouve que c'est un groupe merveilleux. Si vous avez vraiment l'occasion de les voir sur scène, courez-y, parce que c'est vraiment une belle expérience. C'est très très beau. Et moi, c'est mon album, alors à Swan Massy pas loin derrière, hein, mais c'est vraiment mon album préféré de ce soir des quatre. Et c'est un album qui fait du bien à chaque fois qu'on le réécoute. Donc ça c'est quand même, ça vaut cher aujourd'hui quand même. Ouais. Donc voilà, ça s'appelle Blacksidaeus. Vous pouvez réécouter l'interview dans l'onglet émission spéciale d'On The Rocks. Vous allez sur ontherocks.net et interview intéressante aussi, très intéressante. Moi, Daeus, ça me fait penser à la chasse au Daeus. Mais c'est ça, ça vient de là. Hein. Ah ouais. Oui, c'est le Daeus de la chasse au Daeus. Ah ouais, d'accord. Oui, elle explique d'ailleurs dans l'interview. Le Daeus de la mer Noire. Voilà, t'iras écouter ça. C'est le vrai Daeus qu'on chassait quand on était petit. Ok, il y a bien une référence. Exactement. Ce Daeus là. Eh bien, merci beaucoup, messieurs dames. Quel timing, 20h29. Merci vraiment d'être venus ce soir tous les trois. C'était une belle équipe. Et donc, nous allons, à la demande générale de David ici présent, nous allons terminer l'émission par le dernier morceau de Girls in Hawaii qui vient de sortir, qui s'appelle Is It Happening Right Now. Voilà, et assez surprenant ce morceau. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais écoutez-moi ça. Et ça laisse présager un album assez intéressant, je pense. Pas d'émission pour les 15 jours à venir dans On The Rocks. Je reviendrai après, au printemps fleurissant. Il y aura une interview de Pierce Faccini, Balak et Sissoko que nous allons diffuser dans le mois de mai. Et puis je reviens avec une émission lambda, dirons-nous. Ce sera donc le 27 avril, que je ne dise pas de bêtises. Merci beaucoup d'être venu. Rentrez bien. Merci aussi. Merci à toi. Et je vous mets ce petit Girls in Hawaii dans l'oreille gauche, voire la droite. Thank you.